Alors, franchement, la guerre dans le monde, les gens qui ont faim, tout ça, ça a finalement pas tant d'importance quand on boit un bon verre de rouge, une bonne tranche de faux filet, minimum 2 cm d'épaisseur, une baguette, un peu d'ail, un peu de persil, une noisette de beurre sur le faux filet, et un bon film français avec Depardieu à la télé. Et là, mon gars, les misères du monde sont bien loin et on est heureux.